Valzuria. Docteur Jeff Njabi de Teta, don de Dieu. L'ingénieur de Tchouloubama. Mireille la japonaise, la mère des jumelles. Willy Lumina frappe encore. Première place. Quel est le général? Chapi Chapa, Joël et Yoke, Blaise et Pino Chilès Peugeot, Liston Massila, Anna Mouda Kessouna. C'est l'équipe! On coquille qu'on s'en a qui toque, on s'en a un bon, on s'en a si matériel de Lucala, on s'en a Bouba, on s'en a Babouf, mais l'eau elle est qui t'y a? Kintoki! Maître Oscar Kabou et le gourou de la secte. Kamel Dokodi, Imad Kocho, Francis Mako. Rassilou Yachel Patron, Chikou Mabelema, opérateur économique. Edo Mouzamba Mouzambion. Le Pokira Kimpoulou. Sissi Malamba. Maître Fidel Matondo Sambaolonga, l'ingénieur Georges Coche, Pokémon. Yad Adam Wabana, Eve Kadima, Yannick Kayenga, Epole Mundwe, Inje Amadula, Inje Eradi, Sam Mbodo, président comme la ville. DJ Ansenga Memo Chopu, DJ Tigana Kare Kleve, DJ Zulu, DJ Mac Naye et DJ Tila, DJ Babo. Elvis. Santos na vie kabongo bien na subotika lima.